Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds. C'est moi le prisonnier, pour qu'on me rende ma liberté, il faudrait que tu viennes me sauver. Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire de ces romans dérisoires que l'on vend sur les quais des gares en lisant la page du chagrin d'amour. Tu vas me retrouver, c'est moi qui fais pleurer. Tu ne liras jamais plus loin, tu ne pourrais pas supporter la fin. Il faut partir comme un comédien vers la réalité. La pièce est terminée. Quand la lumière se rallume enfin, il ne reste rien sur la scène vide. C'est toujours le même décor, mais l'amour est mort, on ne jouera pas demain. Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, de sa tour de guet, du château hanté, tu ne l'as pas délivré et l'histoire est terminée. Quand la lumière s'est rallumée, il n'est rien resté sur la scène vide. C'est toujours le même décor, mais l'amour est mort, on ne jouera pas